إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد, chers frères et sœurs, nous continuons ce soir la lecture du conseil de l'imam Sofyan al-Thawri rahimahullah ta'ala, qu'il a écrit à Abbad ibn Abbad et dans lequel il l'a orienté sur le comportement qu'il convient d'adopter avec les gens. Et nous nous sommes arrêtés hier à la parole de Sofyan rahimahullah ta'ala lorsqu'il a conseillé, en la présence de personnes suffisantes pour répondre aux questions des gens et émettre des avis juridiques, de se suffire de cela et de ne pas les concurrencer. Et on a vu que ceci est un conseil immense, d'une grande importance, et qu'il ne convient pas à la personne de se charger d'une responsabilité qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne lui a pas imposée. À partir du moment où il y a des gens de science compétents pour émettre des avis juridiques et répondre aux questions des musulmans, il ne convient pas de te mettre en danger et de prendre des responsabilités à ce sujet. Car le domaine de la fatwa et des avis juridiques est un domaine périlleux. Et celui qui est éprouvé par cela et qui partage aux gens la science qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a permis d'apprendre, alors il lui convient de faire preuve de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala à ce sujet, et de ne pas s'aventurer au-dessus de ses domaines de connaissances, mais de n'aborder que ce qui relève de ses aptitudes et de ses capacités. Ensuite, afin de compléter ce conseil, Sofyan rahimahullah ta'ala a dit « وَإِيَّاكَ أَن تَكُونَ مِمَّنْ يُحِبُّ أَن يُعْمَلَ بِقَوْلِهِ وَيُنْشَرَ قَوْلُهُ وَيُسْمَعَ مِنْهُ فَإِذَا تُرِكَ ذَلِكَ مِنْهُ عُرِفَ. Et prends garde à ne pas être de ceux qui aiment qu'on mette en pratique leurs paroles, que l'on propage leurs paroles et qu'on les écoute. Puis si l'on délaisse cela, alors cela se ressent sur lui. » Il y a certaines personnes qui sont éprouvées par cela, qui aiment être interrogées, qui aiment que les gens reviennent à eux, qui aiment que l'on prenne de leurs paroles plutôt que des paroles des autres, qui aiment voir leurs paroles propagées plus que les paroles des autres. Et tout ceci est en réalité une calamité et une épreuve pour cette personne. Car lorsque la parole d'un homme est propagée, il aura des comptes à rendre au sujet de cette parole et de ce qui s'ensuit. C'est une charge en réalité, une responsabilité. C'est pour cela que nombreux sont ceux parmi les anciens à avoir été très scrupuleux à ce sujet, et à s'éloigner de toute cause pouvant mener à la diffusion de leurs paroles. Et l'imam Malik rahimahullah ta'ala était un exemple à ce sujet. On rapporte que les gens venaient à lui de toute contrée, afin de profiter de sa science et de l'interroger. Il répondait à certaines questions et s'abstenait sur d'autres. Et lorsqu'on lui demandait pourquoi il s'abstenait, alors il disait « Les gens du Cham vont rentrer au Cham. » Les gens d'Irak vont rentrer en Irak. Les gens d'Égypte vont rentrer en Égypte. Puis il se peut que je revienne de la fatwa que je leur ai prononcée. C'est-à-dire qu'il se peut que par la suite ils changent d'avis, qu'ils se rendent compte qu'ils s'étaient trompés, ou qu'ils se rendent compte qu'un autre avis était plus fort que celui qu'il émettait auparavant. Et qui pourrait aller se rendre auprès de tous ces gens dans leur contrée? Donc si l'imam Malik rahimahullah ta'ala agissait ainsi, c'est qu'il était conscient de la lourde charge qui pèse sur celui dont on propage la parole. Et ainsi étaient les imams de l'islam, contrairement à nombre d'insouciants aujourd'hui, qui aiment que leurs paroles soient propagées et diffusées, et notamment à travers les réseaux sociaux où les gens se concurrencent en cela, au point de parfois même prendre les devants dans des sujets immenses qui ne sont pas de leur ressort, en émettant des avis juridiques sur des questions très lourdes, en répondant à toutes questions qui leur sont adressées, et ainsi de suite. Et s'il voit qu'une autre personne a sa parole plus propagée que la sienne, alors ceci lui déplaît, et il se met en colère pour cela, et il se concurrence en raison de leur ignorance ou de la corruption de leurs intentions. Car celui dont l'intention est bonne, son souci est que la vérité soit propagée, que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala soit la plus haute, que la sunna se diffuse et soit mise en pratique parmi les gens. Peu importe que ça soit par son intermédiaire ou par l'intermédiaire de son frère. L'essentiel est que les gens suivent le tawhid et la sunna. Et si Allah subhanahu wa ta'ala veut élever une personne et veut que sa science se propage et que les gens se réunissent autour de lui, alors ceci arrivera même si la personne ne le veut pas. Même si la personne réprouve cela, même si ses ennemis réprouvent cela, car c'est la religion d'Allah qui est propagée et diffusée. Et Allah subhanahu wa ta'ala élève par celle-ci qui il veut parmi ses créatures. Et il se peut qu'une personne ait aux yeux des gens moins de connaissances qu'une autre, mais que sa science soit plus diffusée que celle de ceux qui sont plus savants que lui. Car Allah subhanahu wa ta'ala réunit les cœurs autour de qui il veut parmi ses serviteurs. Quoi qu'il en soit, ce que l'on retient ici, c'est que le fait d'être mis en avant, de voir sa parole propagée, ce n'est pas une chose qui se limite à la science de la personne. Et celui qui souhaite le bien, et qui souhaite le salut dans sa religion, il ne va pas chercher à ce que les gens se rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala et lui vouent le culte en se basant sur sa parole. Il ne va pas rechercher cela. Mais s'il est éprouvé par cela sans l'avoir choisi, que ce n'est pas une chose qu'il a désirée, et que les gens profitent de sa science, reviennent à lui et l'interrogent, et que l'islam, le tawhid et la sunna se propagent par sa cause, alors ceci est une grâce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordée. Et ceci est un bien immense dont il peut profiter si son intention est bonne, bi'inillahi ta'ala. Car celui qui indique un bien obtient la même récompense que celui qui le met en pratique. Donc tous les gens qui œuvreront selon sa parole et qui suivront la voie du bien, la voie de la droiture, la voie du tawhid et de la sunna, et la voix des pieux prédécesseurs, rahimahumallahu ta'ala, par sa cause, il en obtiendra la récompense. Et si cette science et cette voix bénie se diffusent et se propagent par autre que lui, alors il lui incombe de s'en réjouir. Ensuite il dit, rahimahallah, wa iyyaka wa hubba ar-riyasa, et prends garde à l'amour de la notoriété. Fa inna min an-nas man takunu ar-riyasa أحب إليه من الذهب والفضة. Il y a certes parmi les gens ceux pour qui la notoriété est préférée à l'or et l'argent. وهو باب غامض. Et c'est une porte confuse, difficile à distinguer. لا يبصره إلا البصير من العلماء السماسرة فتفقد نفسك. Ne l'observe que le clairvoyant parmi les savants expérimentés. Examine donc ta personne. On a parlé de la notoriété dans un cours précédent. Et on a vu que c'est une chose à laquelle l'âme de la personne peut être attachée. La notoriété, les richesses de ce bas monde, l'or, l'argent, les maisons, les voitures et ainsi de suite, ce sont des choses qui sont désirées généralement par les gens. Ils font des efforts pour les obtenir. Mais la notoriété est une chose à laquelle l'attachement est plus grand que l'attachement aux richesses de ce bas monde. Beaucoup de personnes peuvent se détacher de l'amour des richesses, mais n'arrivent pas à se détacher de l'amour de la notoriété. C'est pour cela que l'on disait que l'amour de la notoriété est la dernière chose qui sort du cœur du savant. Et la preuve démontrant que la notoriété occupe une place plus grande dans les âmes des gens, et que c'est une chose plus recherchée que l'or et l'argent, c'est que les gens riches dépensent leurs biens les plus précieux afin d'obtenir la notoriété. Celui qui a le pouvoir, il va dépenser son argent, il va faire des dons afin de conserver son pouvoir. Celui qui a beaucoup d'argent, il va le dépenser recherchant à recevoir les éloges des gens. Et ceci en raison de son désir de notoriété, wal'iyadhu billah. On voit donc qu'il n'a pas de mal à dépenser son argent, mais que son âme ne supporte pas de délaisser les éloges et les compliments. Et c'est pour cela que renoncer à la notoriété est une chose plus difficile que renoncer aux richesses de ce bas monde. Donc Sofiane, rahimahullah ta'ala, il dit ici, « À Abbad ibn Abbad, examine ta personne. Prends garde, c'est une chose qui peut être très subtile et qui échappe à beaucoup de personnes. Seuls les gens doués de clairvoyance, les savants expérimentés, arrivent à percevoir cela et savent comment s'en délivrer. Et parmi les moyens de s'en délivrer, il y a le fait de sans cesse se remettre en question et d'examiner ses intentions. C'est pour cela qu'il lui a dit après, « Wa'mal bi niyya » et œuvre avec une intention, œuvre avec une bonne intention. « Fa'inna al-hasan kana yaqul » Al-Hasan, c'est-à-dire Al-Hasan al-Basri, rahimahullahu ta'ala, il disait, rahimallahu abdan, waqafa inda hammihi. Qu'Allah fasse miséricorde à un serviteur qui s'arrête au moment de son intention. Falaysa ya'mal hatta yaham. Il ne va pas œuvrer, il ne va pas agir sans avoir eu au préalable une intention. Fa'idha kana lahu mawa. Si son intention est en sa faveur, c'est-à-dire si son intention est bonne, alors il met en pratique ce dont il a eu l'intention. وَإِذَا كَانَ عَلَيْهِ أَمْسَكْ Et si cela est contre lui, alors il s'abstient et il n'agit pas. Donc ça aussi, c'est une recommandation immense dont nous avons tous besoin. Et nous devons toujours nous rappeler l'importance de corriger nos intentions. Chaque œuvre que tu souhaites accomplir, que ce soit un acte d'adoration comme la prière, l'aumône, le jeûne, ou alors un acte de bienfaisance envers les gens, comme leur prononcer une belle parole, propager la science, ordonner le bien, interdire le mal, et ainsi de suite. Tu dois au préalable examiner ton intention. Est-ce que celle-ci est pour Allah subhanahu wa ta'ala, ou est-ce que tu recherches autre chose que cela? Il ne faut pas penser que toutes les actions de la personne sont forcément sincères pour Allah subhanahu wa ta'ala. Même le monothéiste, celui qui est sur le tawhid, peut parfois être éprouvé par une mauvaise intention. Il se peut que certaines de ses œuvres soient sincères et qu'il en fasse d'autres par ostentation. Il se peut qu'il soit sincère au début d'une action, puis qu'au cours de celle-ci, il se mette à rechercher les éloges des gens et ainsi de suite. C'est pour cela que tu dois sans cesse examiner ton cœur. Toute œuvre que tu fais, arrête-toi au moment de son intention. Pose-toi la question. Quelle est mon intention dans cet acte? Remets-toi en question. Et si tu fais cela, premièrement, cela va t'aider à atteindre la sincérité. Cela va t'aider à œuvrer pour Allah subhanahu wa ta'ala et à te détacher de l'amour, des éloges et des compliments. Deuxièmement, si tu fais cela, cela va également te préserver de beaucoup de mauvaises actions. Car celui qui réfléchit avant d'agir, s'il se rend compte que son acte est mauvais, sa réflexion va lui permettre de le délaisser, contrairement à celui qui agit sans réfléchir, qui peut parfois agir avec de mauvaises intentions et qui peut parfois faire de mauvaises actions en raison de son insouciance et de son manque de réflexion. Donc examine ta personne et examine ton cœur avant chaque action. Demande-toi qu'est-ce que je recherche par cette œuvre. Est-ce que je recherche la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala ou la satisfaction des gens? Ceci est d'une grande importance, car celui qui n'est pas sincère, ses œuvres sont rejetées. Également avant chaque parole, qu'est-ce que je recherche à travers cette parole? Réfléchis avant de la prononcer. Est-ce que tu recherches le bien? Est-ce que tu recherches la piété? Est-ce que tu recherches la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala et à te rapprocher de lui? Pose-toi cette question avant de parler. Et ainsi tu pourras voir si cette parole, tu la prononces pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala ou pour autre que cela. Et tu pourras ainsi déceler toute mauvaise intention derrière cette parole, mais également te préserver de beaucoup de mauvaises paroles. Et il en est de même pour l'ensemble de tes actions. Lorsque tu cherches à apprendre la science, que tu cherches à te renseigner sur une question religieuse, quelle est ton intention? Il y a parfois certaines personnes qui se renseignent sur certaines questions religieuses non pas pour apprendre la science, mais pour rechercher des permissions et des facilités. Il sait qu'un acte est interdit, mais son âme a un penchant pour celui-ci. Alors il va essayer de chercher un avis lui permettant de faire cet acte. Et il se peut qu'il passe des heures à lire des livres, à écouter les paroles des savants, et qu'il n'en tire aucune récompense. Pire encore, ceci est la source de son malheur, car ceci est un acte blâmable de rechercher les permissions en raison du suivi de ses passions. Donc pose-toi la question avant d'agir, avant de parler. Lorsque tu te rends à une assise de science, lorsque tu écoutes un cours, pose-toi la question de savoir quelle est ton intention. Et plus ton intention sera bonne, plus tu vas profiter, Inch'Allah. Pensez-vous qu'une personne qui assiste à un cours pour passer le temps, qui écoute un cours sans chercher à en profiter, et une autre qui écoute ce même cours dans le but de s'instruire en religion, d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec science et clairvoyance, pensez-vous que ces deux personnes sont égales auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Pose-toi la question également de ce que tu recherches lorsque tu propages une parole, même si ce n'est pas la tienne, même si tu ne fais que transmettre une parole d'un savant ou d'un étudiant en sciences. Quelle est ton intention derrière cela? Est-ce que tu cherches à te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, à propager le bien, à propager le tawhid, à propager la sunnah? Ou alors cherches-tu autre chose que cela parmi les diverses intentions corrompues par lesquelles peut être éprouvé le serviteur? Donc si tu examines ta personne, tu pourras ainsi atteindre la sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu es sincère, tu pourras espérer que ton œuvre, ton acte, ta parole soit acceptée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et ainsi en être récompensé. Ensuite, Sofiane rahimahullah ta'ala nous dit à ce sujet encore: وَلَا تَخْتَرَّ بِثَنَاءِ النَّاسِ. Et ne te laisse pas leurrer par les compliments, les éloges des gens. فَإِنَّ النِّيَّةَ لَيْسَ كُلَّ سَاعَةٍ تَقَعْ. Car l'intention n'est pas toujours présente. Ça également, c'est une exhortation immense. Ne te laisse pas leurrer par les compliments des gens. Il se peut que les gens voient de toi une certaine piété, un certain sérieux dans la mise en pratique de cette religion, qu'ils observent chez toi en apparence de bonne qualité, et qu'ils t'adressent éloges et compliments. Ils te voient jeûner, ils te voient prier, ils te voient apprendre la science, ils te voient la diffuser, et ainsi de suite. Alors ils te font des éloges et des compliments. Ne te laisse pas leurrer par leurs éloges et leurs compliments, car toi tu connais ton intention, mais eux l'ignorent. Et toi tu sais pertinemment que l'intention n'est pas forcément toujours pure, qu'elle n'est pas forcément toujours sincère, et qu'il se peut parfois que l'intention soit corrompue. Combien sont ceux à prier avec une mauvaise intention? Combien sont ceux à donner des aumônes avec de mauvaises intentions? Combien sont ceux à jeûner, à apprendre la science, à la diffuser, à enseigner, avec de mauvaises intentions? Et si l'intention est corrompue, alors l'œuvre est vaine, et elle n'est d'aucun intérêt pour le serviteur. Donc si son œuvre est vaine, pensez-vous que les éloges et les compliments des gens vont lui être d'une quelconque utilité? Ils ne lui seront d'aucune utilité. C'est pour cela que tu ne dois pas te laisser leurrer. Même si les gens font tes éloges et tes compliments, persiste à examiner ton cœur et examiner tes intentions. Car c'est cela la voie du salut et la voie du succès auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Sofiane rahimahullah ta'ala, il nous a donné ici un exemple à ce sujet. Il a dit: وَإِنَّ طَاوُوسًا قِيلَ لَهُ اُدْعُ لَنَا بِدَعَوَاتِ. طاووس, qui est un tabi'i, un des élèves de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, on lui a un jour dit: prononce des invocations en notre faveur. Il a refusé. Faqal, ma ajidu li dhalika al-an hizba. Je ne ressens pas pour l'instant l'espoir de la récompense. Allahu Akbar. Méditez sur ce comportement immense. Il lui demande une chose très simple: prononce des invocations en notre faveur. Et c'est une chose qui est courante chez les gens aujourd'hui. Tu croises quelqu'un, il te dit: je suis malade, ou mes parents sont malades, ou ainsi de suite. Invoque en leur faveur. Puis il voudrait que tu invoques immédiatement. Tawus rahimahullah, cet imam éminent, lorsqu'ils lui ont demandé cela, il a refusé, alors que ce ne sont que quelques mots. Et il a dit: je ne ressens pas pour l'instant d'espoir de la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en prononçant ces paroles, Il a attiré leur attention sur ce point immense, qui est la nécessité de sans cesse examiner nos intentions. Ensuite, Sofiane, rahimahullah ta'ala, continue à ce sujet en disant: Wahdhari riya, et prends garde à l'ostentation. Fa inna riya akhfa min dabib an-naml, car l'ostentation est plus subtile que les pas des fourmis. Cette recommandation qu'il a adressée ici est en réalité la recommandation de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car il a dit dans le hadith authentique: La chose dont j'ai le plus peur pour vous est le polythéisme mineur, le shirk al-asrar. On lui dit alors: Et qu'est-ce que shirk al-asrar? Et qu'est-ce que le polythéisme mineur? Il répondit: Ar-riya, l'ostentation. Le fait de faire une œuvre parmi les adorations, en recherchant par celle-ci les éloges et les compliments des gens. Puis il dit sallallahu alayhi wa sallam: Au jour de la résurrection, Allah dira à ceux qui ont commis l'ostentation, au moment où il rétribuera les gens pour leurs actions: Allez vers ceux pour qui vous faisiez de l'ostentation dans ce bas monde, et regardez si vous trouvez auprès d'eux une rétribution. Regardez si vous trouvez auprès d'eux une rétribution. Si tu as prié pour que l'on dise de toi que tu es un prieur, si tu as fait des aumônes pour qu'on l'on dise de toi que tu es généreux, si tu jeûnes de manière régulière pour que l'on dise de toi que tu es un adorateur, si tu parles dans les assises de science pour laisser penser que tu as de la science, que tu as des connaissances, si tu fais cela par recherche des éloges et des compliments des gens, alors il te sera dit cette parole au jour de la résurrection: Va auprès de ceux pour qui tu faisais de l'ostentation dans ce bas monde, ceux de qui tu recherchais les éloges et les compliments, et regarde si tu trouves auprès d'eux une rétribution. Celui qui rétribue, qui accorde les récompenses pour les bonnes actions, ce n'est autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois donc prendre garde à cela et avoir conscience que le shirk, il ne se limite pas aux prosternations devant des statues ou à l'invocation d'autre qu'Allah, ou autre chose semblable parmi les formes de polythéisme majeur. Mais il y a aussi des formes de shirk, des formes de polythéisme qui sont très subtiles, plus imperceptibles qu'une fourmi noire en train de marcher sur un rocher noir durant une nuit obscure. Et peu sont ceux à être à l'abri de cette forme de polythéisme. Peu sont ceux à en être épargnés. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en disant: Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre le fait de te donner un quelconque associé, alors que je sais. Et j'implore ton pardon pour ce que je ne sais pas. J'implore ton pardon pour ce que je ne sais pas. Ceci est une preuve que l'homme peut tomber dans le shirk sans même s'en rendre compte, en raison de sa subtilité. Donc ceci nous montre le danger du polythéisme, le danger de l'ostentation. Et le remède face à cela est de sans cesse, comme on l'a dit, examiner ses intentions. Et ne pense pas que c'est une chose facile. On rapporte de Sulayman ibn Daoud al-Hashimi, un des savants ayant vécu à l'époque de l'imam Ahmad, au sujet duquel l'imam Shafi'i rahimahullah ta'ala a dit: Je n'ai pas vu de gens plus sensés que deux hommes, Ahmad ibn Hanbal et Sulayman ibn Daoud al-Hashimi. Donc Sulayman rahimahullah ta'ala, il a un jour dit: Il se peut que je rapporte un seul hadith alors que j'ai une intention. Et alors que je suis en train de transmettre ce hadith, de prononcer ces paroles, mon intention change. Alors un seul hadith a besoin de plusieurs intentions. Subhanallah. Un seul hadith a besoin de plusieurs intentions. Il commence, son intention est bonne, plus il voit qu'elle change. Alors il doit se réformer et la corriger. Voyez un exemple pratique parmi les exemples d'examen de l'attention, comme le faisaient les grands savants de l'islam. Ils se posent des questions avant d'agir, ils se posent des questions avant de parler, et ça c'est une chose qui échappe malheureusement aujourd'hui à beaucoup d'entre nous, Wallahu al-musta'an. Ensuite, Sofiane, rahimahullahu ta'ala, va parler de certains troubles présents à la fin des temps, ainsi que d'autres sujets par lesquels il va clôturer cette recommandation immense, et c'est ce que nous verrons lors du cours de demain, inshallah ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khayra.